Les gens travaillent, tu travailles à partir de 20 ans jusqu'à 60 ans, tout le temps. Tu as le temps en masse, tu as tout à l'heure de ta maison, tu as tout. Si tu calcules le salaire qu'un homme fait depuis 20 ans jusqu'à 60 ans, c'est une petite fortune. Il arrive à 60 ans, il va être loué, c'est l'assurance chômeur ou le gouvernement, il n'y a plus une scène. Parce que les gens ne savent pas manipuler de l'argent. C'est très dur à manipuler de l'argent. Très dur. Ça coule comme du sable entre les doigts. Ils se servent de ça pour toujours rendre la situation difficile. C'est ça que la conscience, c'est pas chaud.